Bienvenue au 21e épisode du podcast des mots. Ninon va vous parler de quelque chose. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais aujourd'hui vous parler de Terminator Dark Fate. En gros, c'est un film de Terminator. Pas aussi bon que les deux premiers, bien sûr, mais un Terminator tout de même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout, tout, tout, tout, tout. Bon, je vais arrêter de niaiser. Il y a un Terminator et un autre personnage qui viennent du futur pour tuer et protéger quelqu'un du présent. Ici, la Mexicaine Dani, la petite twist étant que surgit Sarah Connor, jouée à nouveau par Linda Hamilton, et éventuellement un Terminator ancien modèle, joué par Arnold Schwarzenegger. On ne prend jamais vraiment la peine d'introduire ou d'approfondir les personnages, donc hélas, on se fiche un peu des nouveaux. Mais Linda est très bien dans son rôle et Arnold est amusant. Le film fait parfois pas mal dans le fanservice, surtout avec quelques gags, même si on est heureusement loin d'un Terminator 3 pour l'humour. Dans l'ensemble, on a un film d'action assez bien, mais qui sent un peu trop le réchauffer tout de même, et ça manque de profondeur. Ce qu'une suite de Terminator pour moi aurait dû être, serait quelque chose dans le genre de Salvation, le quatrième, qui était plutôt mauvais, mais au moins essayait de raconter le futur avec sa guerre, plutôt qu'un énième remake du premier. Ou sinon, au moins, la série télé Sarah Connor Chronicles, ou le film Genesis, qui essayait d'utiliser le voyage dans le temps pour rebooter les suites dans des directions relativement différentes. Je suis sans doute une des rares personnes à trouver Genesis sympathique. On peut se demander pourquoi James Cameron a voulu canceller toutes les autres suites avec ce reboot, si ce n'est que pour faire du réchauffé. C'est tout de même un divertissement honnête, même si c'est un Terminator lambda. Je donne donc à ce film un 3 sur 5. À la prochaine.